Le 32e festival scientifique et technique de l'Académie nationale des sciences, sous thème Exposition des réalisations scientifiques et techniques de l'Académie nationale des sciences 2016, a eu lieu du 20 au 23 à l'Académie nationale des sciences. Y ont pris part les scientifiques, techniciens et enseignants de l'annexe, de l'Institut de l'Académie nationale des sciences et de l'Université des sciences. Divisé en commissions par secteur, le festival a exposé plus de 400 réalisations de valeur. À la cérémonie de clôture tenue le 23, les diplômes et prix ont été remis.